98, l'apogée des cons, et ça suffit. Je pose ma pierre artistique au rempart, la garde avec moi. J'écris en vrac, qu'importe, avec le cœur, pour l'honneur, pour les miens, mon clan, c'est comme ça. Pas le choix, fils, crois-moi, le sud c'est chaud. 30% d'enculés veulent notre peau, c'est beaucoup trop. Je m'étais dit ce morceau, je vais être original et concis. J'ai fou, y'a rien à faire, sur ce coup j'ai trop la rage ici. On vit à l'époque où le rap connaît un succès non-stop. Paradoxalement, le FN aussi. Y'a des années 5%, voire 10. Aujourd'hui les chiffres ont doublé. Qu'est-ce tu fais, fils, faut voter contre. De la cité à la campagne, au centre-ville pour les tiens. Faut voter, même si les autres ne font pas l'affaire, c'est bête. Mais on ne peut tout de même pas laisser les racistes aux manettes. Que les choses soient claires, ils veulent ma peau et je veux la leur. Leur programme de merde, c'est un leurre. Qu'est-ce tu crois, 2039, non, j'attendrai pas. Si ça s'amplifie, tu devras faire un choix. Alors qu'ils ne parlent surtout pas de république enfoirée. Putain de nazis, ils vont pas nous bluffer. Grâce à la merde, ils recrutent dans la cour des cons. Pour des idées de fils de pute, aucun pardon. Alors, tu vois à qui on a affaire. Fais ton devoir, fils. De mairie en conseil régionaux, ils se pavent. Arrive à jouer les arbitres aux élections et c'est le drame. Psychologique, la guerre est là, tu le sais. Prends part ou pas, la liberté en péril. Et un parti prenant la haine d'autrui prend des villes. Et si tu y assistes sans rien dire, c'est que t'es avec lui. T'as rien compris, le front, la loi décideront des aides. Qui y a droit, français ou pas, sans carte du parti. Un gros doigt, demande aux gens de Vitrolles, Toulon, de Marignane qui sont cons. Ce qu'ils vivent, la tension qui monte, pour l'instant c'est subtil. De l'extérieur on voit rien, des coups administratifs dans les cités plus. Moyens. Et la culture, est-ce nécessaire de le préciser? Musique de jeunes, tu peux oublier le rap en premier. Les bouquins, mais les fachos n'ont pas envie que tu réfléchisses. Et les médias, au lieu d'attiser, vous serez la première cible. Putain, y'a qu'à regarder en arrière et s'y référer. Trois pays autour de nous sont déjà tombés. Si on est trop naïf, on va se le prendre en pleine gueule. On pourra plus faire machine arrière. C'est maintenant que ça se décide, malgré l'histoire, les procès, les gens à présent ont oublié qu'Hitler a été élu démocratiquement. Scandale, un gros porc veut nous faire la même. Virer les noirs et les arabes. Tout ce qui les gêne, fermer les frontières, fermer leur gueule à ceux qui pensent différemment, fermer les établissements, ils contrôlent pas totalement. Première étape du programme du FN, je garantis sur ma vie, on va pas se laisser faire. Non, surtout pas. Que les choses soient claires, ils veulent ma peau et je veux les leurs. Leur programme de merde, c'est un leurre. Qu'est-ce tu crois, 2039, non, j'attendrai pas. Si ça s'amplifie, tu devras faire un choix. Alors qu'ils ne parlent surtout pas de république enfoirée. Putain de nazis, vont pas nous bluffer. Grâce à la merde, ils recrutent dans la cour des cons. Pour des idées de fils de pute, aucun pardon. Plus ici on est à Marseille, mais même pas concerné. Ceux qui votent pour à Marseille, on ne les voit pas. 50% d'hypocrites au moins dans le tas. Je m'explique, pour certains vivant en ville sans problème. Une caisse crâne dans une cité aux infos et ils ont la haine. La crainte du hip-hop voudrait qu'on disparaisse. On représente tout ce qui les gêne, tout ce qui les blesse. Ouais. Fils tu sais on existe et ça les emmerde. Putain de raciste, allez vous faire mettre. Marseille, j'y suis né et j'y reste. Je l'aime pour ses mélanges, ses cultures, ses ethnies et leurs fêtes. C'est un fait, l'étranger, c'est celui qui n'accepte pas. Et beaucoup sont d'origine étrangère. Tu le crois, ouais. Je rappais, retour au pays. Sur les affiches comme ils disent dans leur jeunesse de merde. Ah je me marre, les cons, les blaireaux. Leurs parents devraient être pris à coups de pompe dans le cul pour avoir entretenu de tels cerveaux. Trêve de plaisanterie, le temps des baraquements pourris. Des pauvres zoufflis qui bossaient pour rien, c'est fini. Manipulés, depuis y'a des enfants, pas de chance. Génération ouvrière née ici qui dérange. Tu voudrais refaire la France et tu peux rien, le rasto. Frapper ta fille si elle sort avec un négro, c'est zéro, l'idiot. T'as rien compris, merde, je vais surtout pas essayer de te convaincre. Non. J'oublie pas le jeune Ibrahim Ali. Souvenez-vous, une balle dans le dos par un colleur d'affiche. Un fou, ce qu'il lui faut, pas de doute, la perpétuité. Tu vois le genre d'esprit qui voudrait nous gouverner. Alors ceux qui votent parce qu'ils sont soi-disant déçus, perdus, y'a pas d'excuse, ni demi-mesure, focus. Aux urnes, j'irai, essaierai de contrer cette saloperie pour éviter la guerre civile, ouais.